Salut Cédric. Salut. Bon, ce mois-ci, nous allons parler d'une destination qui est fort connue des gros touristes à la con, avec surtout la Riviera. Enfin, sa Riviera, c'est la Turquie. Mais bon, on va pas vous parler de Bodrum, etc. Parce que, ou alors peut-être de salles obscures, mais évidemment de tout ce qui se passe de plus intéressant, mais surtout dans tout le pays, puisque ce n'est pas simplement qu'une petite bordée de plages. La Turquie, elle est en Europe, elle est en Asie. Elle est un peu partout, un peu à cheval sur les deux. Qu'est-ce que tu as vu, par exemple, comme gros centre en ce qui concerne on va dire, la culture alternative? Moi, je suis allé qu'à Istanbul pour l'instant. Ok, salut. Donc, qui est l'endroit où il se passe plus d'activités au niveau de la musique alternative. Mais cependant, il se passe aussi pas mal de choses à Ankara et à Izmir. Izmir, qui est quand même un pôle culturel depuis très longtemps. Bon, l'avantage d'Istanbul, c'est que ça se trouve à la croisée des Ouais. chemins, quoi. Du coup, il y a toujours eu beaucoup d'influence Et et. ça se ressent dans... Oui. Par exemple, il y a des quartiers d'Istanbul comme Taksim, par exemple, qui sont hyper bondés d'autochtones et de touristes, dans lesquels il y a un tas de musiciens partout et des clubs aussi. Et donc il y a une activité 24 heures sur 24, ça s'arrête jamais. Et les musiciens, c'est des musiciens en rue et ça va du musicien du métalleux au musicien traditionnel, en passant par des rastas ou que sais-je Et d'autre, des quoi. mix, quelquefois, t'entends des trucs rock avec des trucs orientaux Oui, ça s'entend dans la musique psychédélique ou... Ouais. turque, déjà depuis les années 60, mais dans certains groupes metal, bien sûr, oui. C'est évident. Ou même dans la musique improvisée, par exemple, quoi. Et on va revenir après, mais... Et donc tu as parlé d'Ankara et Izmir. Qu'est-ce qui se passe là-bas par rapport à Istanbul? En fait, quand on vient d'ici, on dit, ouais, Turquie, en gros, égale Istanbul. Je pense pas que ce soit ça, mais comme je te dis, comme je ne m'y suis pas encore rendu, je peux pas te donner une réponse correcte, mais j'ai vu qu'il y avait des clubs dans lesquels il y avait vraiment moyen de programmer des événements, en tout cas à Ankara, de manière régulière ou plus ou moins régulière, comme à Istanbul. Peut-être pas de manière aussi radicale, je ne sais pas. À Istanbul, il est évident qu'il y a des clubs qui, toutes les semaines, organisent des concerts de musique improvisée ou expérimentale ou dubstep ou que sais-je d'autre, même des soirées gothiques tous les mois en fait dans un club à Istanbul, un club ou deux. Cependant, je vois qu'il y a énormément de musiciens qui viennent aussi d'Ankara On a... et d'Izmir. Et pour les infos que j'en ai eues de la part de certains Turcs, ils me disent que, en tout cas, de la part de Izmir, c'est évident parce que c'est une ville très culturelle. Pour Ankara, je ne sais pas si c'est récent, mais lorsque j'étais en Turquie la première fois, il y a déjà très très longtemps, beaucoup de gens m'ont dit qu'il se passait pas énormément de choses parce que c'est la capitale administrative du pays, c'est plus la bureaucratie. Il y a quand même Mais une scène, enfin, on avait fait un focus sur Bedroom Drunk qui vient d'Ankara, et donc il nous avait dit, c'était quand il y avait quand même une scène un peu noise rock là, donc. oui, c'est bien possible que ce soit fort actif, mais aussi actif qu'Istanbul, j'en doute, parce que culturellement, Istanbul est quand même assez incroyable. Et comment tu as vu l'évolution justement par rapport à l'histoire de la Turquie? Donc, bon, on dit toujours la Turquie, c'est quand même très oriental, mais à la fois très européen. Est-ce que ça a toujours été ou est-ce que il y a une explosion? Là, je parle plutôt à l'historien. Hein. Non, je pense que ça a toujours été comme ça, en fait. En réalité, un peu comme avec l'Iran, finalement, qui est aussi à la croisée des chemins et qui a toujours subi un tas d'influences d'Asie, même d'Inde, en fait, ou du Moyen-Orient et d'Europe. Et je pense que c'est relativement valable pour la Turquie aussi. Et on le sent. En fait, les premières expérimentations de musique électronique faite par des Turcs qui date des années 60 déjà. Il y avait Bülent Arol et Ilhan Mimaroglu. Et même, bon, ce sont pas des compositeurs qui ont vraiment composé en Turquie. Mimaroglu l'a fait, mais Arol non, parce que c'était problématique au niveau de la politique à l'époque de réaliser ça. Mais encore maintenant, il y a énormément de gens qui voyagent, en fait. Il y a la Bulgarie qui se trouve juste à côté, en fait, qui a toujours des relations avec la Turquie et l'Empire ottoman, de toute façon, avant. Et il y a énormément de migrants qui viennent d'Allemagne, pardon, qui vont en Allemagne ou au Royaume-Uni et ailleurs, mais c'était surtout ces deux pôles, en tout cas, dès les années 60 ou 70, je sais pas trop. et qui ont ramené des choses dans la capitale. Tout a commencé vraiment à Istanbul, de toute façon. La scène psychédélique, la scène punk, la scène métal, la scène industrielle, électronique, tout ce qu'on veut. C'est chaque fois des gens qui revenaient au pays. C'est une des grosses parts justement de l'ouverture à d'autres cultures, cette diaspora qui revient. Partiellement, en tout cas, bon, je suppose que ça dépend de l'époque, puisque à une époque, c'est plutôt l'Empire ottoman qui allait s'installer chez les C'est une voisins. sorte de diaspora un petit peu plus violente, mais. Voilà, mais ils ont quand même été au Liban, en Bulgarie, enfin dans les Balkans de manière générale, etc., quoi. Mais non, là maintenant, oui, c'est autre chose. Depuis, en tout cas, les années 70, il y a pas mal de gens qui vivaient à Londres, par exemple, ou à Berlin, et qui ont été influencés par le punk ou la musique industrielle, et qui envoyaient des disques ou des cassettes à leur famille, leurs amis, ou qui revenaient eux-mêmes au pays avec ça, et qui faisaient des copies pour tout le monde sur des cassettes qui étaient parfois vendues dans des petits magasins. Et ça se répandait comme ça, quoi. Et ils ramenaient aussi des magazines qui n'étaient pas disponibles à l'époque, et ça a influencé pas mal de choses. Enfin, je veux dire, maintenant c'est différent parce que t'as Internet, donc dans l'absolu, il n'y a plus nécessairement besoin que quelqu'un te ramène un disque. Ah, ça sert toujours. Internet est un petit peu censuré. Oui, non, je sais, Je mais pas précise pour que. tout, Ouais. c'est surtout par rapport à la Grèce. Non, non, non, non, non, je précise qu'en Turquie, en fait, dès que l'on met un truc sur Atatürk, c'est ça censuré, en fait. C'est presque un crime énorme de trahison de faire Non, ça. ça je sais, on peut pas toucher à Atatürk, à la laïcité, etc., etc., en Turquie. Oui, ça c'est évident. Mais là, ça concernait pas du tout ça au niveau musical, c'est pas du tout un problème en fait. Ah non, mais mon webzine, il est censuré à cause de ça, parce que Google Site est censuré, parce qu'il y a eu un site qui a parlé d'Atatürk. Oui, ok, bon, Ah oui, c'est la grosse voilà. louche. Donc, oui, aussi enfin, la Turquie, on voit toujours justement ces deux visages. Enfin, on a toujours tort et raison en même temps, c'est-à-dire, on a un visage d'un État qui est officiellement laïque, mais quand même avec une petite pression religieuse qui devient officieuse, évidemment, mais qui est toujours là. Et après, un autre visage, en même temps, peut-être pas avec les mêmes personnes, bien sûr, qui est résolument moderne, qui veut bouger. Quand on a une scène punk dans les années 70 qui éclate là-bas, comment ça se passe Bon, en fait, c'était pas une scène. avec Voilà, trois ben. personnes Non, le problème, c'est qu'il y a eu un tas de coups d'État, hein, dans les années 60, 70, 80. Et ben, tout ça a tué la scène. On pouvait pas être politique. Là, maintenant, on peut évidemment pas critiquer Atatürk, ok. Mais à l'époque, c'était ça et le régime tout court. Et donc, aucune possibilité d'être subversif. Ce qui fait qu'il y a eu, on va dire, du proto-punk dès 78 en Turquie, mais c'est plutôt à partir des années 80, la première moitié, vers 84, je pense, peut-être un peu avant, qui a commencé à y avoir plus de groupes punk en Turquie, mais pas politique en fait. C'est des gens qui avaient une haine, qui n'appréciaient pas le régime, qui étaient probablement anarchistes pour la plupart. Ils ne pouvaient pas afficher ça ouvertement, sinon c'était la prison, point à la ligne, il n'y avait pas de discussion, quoi. Mais donc c'était pas vraiment un mouvement, c'était des gens, principalement à Istanbul, un petit peu à Ankara, qui ne se connaissaient pas de toute façon, c'était comme deux îles, quoi. L'île Istanbul, l'île Ankara, pas de connexion. Enfin, les connexions se sont faites assez tard, qui avaient de la rage et de la haine contre tout un système, des filles comme des garçons. Il y avait même un groupe féminin de punk à l'époque, en fait, peut-être des années 90, peut-être pas si tôt que les années 80, je ne sais plus, mais qui au départ ne pouvait pas du tout critiquer le régime, c'était très très dur. Donc, je sais pas si on peut vraiment parler d'un mouvement punk, et c'était très très peu de gens, c'était vraiment une poignée de personnes à Istanbul qui venaient souvent de la scène métal, mais pas systématiquement, qui avaient souvent des problèmes avec les gens de la scène métal, il y avait cette espèce de conflit, de bagarre. Oui, hélas. On va dire que cette scène est vraiment née dans les années 90, quoi. Mais avant, c'était plutôt des gens épars qui de l'un faisaient du punk, l'autre du hardcore, ou l'autre même de l'industriel. Comme. Et ne se parlait jamais, quoi. Plutôt s'affronter, mais. Non, pas nécessairement. Il y a Non. des gens qui étaient connectés dans toutes les scènes. Je pense que Serhat Sokal 25BZ, je pense qu'il était connecté à la scène punk à l'époque, mais lui il faisait de l'industriel et du noise. Il fait toujours des choses, une espèce de mash-up maintenant. Mais il a commencé en 86 et apparemment il y avait déjà des gens qui faisaient l'industriel avant ça en 84, influencés par Test Department, Cabaret Voltaire, etc. Mais je n'ai pas encore réussi à choper des enregistrements. Il faut que je les contacte. J'ai eu les noms des personnes. Et je vais voir, mais une fois de plus, c'était pas une scène, il y avait vraiment trop peu de gens, il n'y avait pas d'unité, il y avait un magasin à l'époque qui a dû changer de place, un type qui faisait des cassettes en fait, hein, qui copiait les cassettes de Sex Pistols ou de n'importe quel autre groupe, et qui les revendait comme ça. Maintenant, il y a un mouvement, que ce soit au niveau même skinhead communiste, souvent d'ailleurs en Turquie antifasciste, ou au niveau punk. Maintenant, tu peux parler d'un mouvement, mais à l'époque, c'était vraiment quelques personnes et toutes se connaissaient. Il y a un bouquin qui est sorti sur le punk turc, en fait, qui relate tout ça, et tu te rends compte que tous ces gens, sans exception, se connaissaient. Ouais, c'est vraiment une micro-scène à ce moment-là, Oh, quoi. Ouais. oui. Et justement, avec le mix, on va dire, religieux d'un côté, laïque de l'autre, est-ce que ça a déjà fait donner naissance à des groupes que l'on voit un peu ailleurs aussi, style Takwa-Core, ou je précise que le Takwa-Core, c'est un truc super logique parce que c'est du punk musulman. Donc, ni Dieu ni maître, mais il y a quand même mal Finalement, oui, ils sont pas très d'accord avec l'histoire de pas de Dieu. Enfin bon, c'est comme le punk chrétien. là. Enfin bon, peu importe. Pff, moi, les gens de la scène que je connais là-bas sont principalement des gens ou de la scène expérimentale, improvisée, free jazz, ou des gens de la scène industrielle, électronique et gothique, mais un peu punk si on veut. Et donc, pour beaucoup, c'est des gens qui sont clairement athées, pas tous, il y a quelques musulmans dans le tas, pratiquants ou non, mais je connais quand même pas mal de gens athées qui débectent la religion à un Bah point ouais. inimaginable, et qui surtout débectent le conservatisme qui devient oppressant à Istanbul, par exemple. À Istanbul est une ville assez intéressante parce que tu peux y rencontrer une fille en mini-jupe, un punk avec une crête. Un imam et une femme avec un hijab dans la même rue à la même heure. Donc c'est assez intéressant comme croisement culturel. Mais il y a de plus en plus de gens des campagnes qui sont très conservateurs et souvent très religieux, c'est lié, Qui viennent. qui viennent s'installer et qui commencent de plus en plus à imposer leur intolérance et leurs lois. Et même au sein du gouvernement, de toute façon, l'armée menace toujours de reprendre le pouvoir si les religieux exagèrent, mais les religieux essaient de changer la constitution turque. Elle voudrait que ce ne soit plus un état laïque. Et déjà, Istanbul, j'avais un copain qui m'avait dit Istanbul, c'est marrant parce que c'est une ville qui bouge et en même temps qui ne bouge C'est vrai. pas. Non, c'est vrai. Il y a de ça. En plus, ça dépend vraiment du quartier où Ouais. tu es. Il y a des quartiers où ça bouge tout le temps, il y a des concerts tout le temps, il y a plein de clubs, il y a des transsexuels, il y a des travestis. Enfin, c'est vraiment incroyable, quoi. Moi, une fois, je me souviens, la dernière fois que j'ai été, je me baladais dans une rue et il y avait toute une bande de d'émo, de métalleux, de punk et autres. Et il y avait une fille avec les yeux noirs, les lèvres noires, le vernis à ongles noir. Enfin, la totale, quoi. J'ai dit, c'est cool de voir ça à Istanbul. Et tu fais 500 mètres plus loin, tu tombes dans un quartier, un vieux quartier hyper conservateur où des gamins vont te lancer des pierres parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un Ouais, et puis comme des toi, quoi. quartiers aussi touristiques où c'est pratiquement un musée sous cloche, quoi. Donc Il y a de ça, il y a aussi une grosse gare allemande devant le Bosphore qui fait vraiment tache. Mais enfin, tache, oui, non, il y a plein d'architectures différentes aussi à Istanbul, c'est ça que j'aime bien. Ben, comme avec la musique, c'est un mélange de tout. Tu vois l'architecture vraiment typique occidentale qui te fait penser à Paris ou à Bruxelles. Tu vas voir cette gare allemande, mais tu vas voir l'architecture moyen-orientale, quoi, qui est vraiment superbe aussi. C'est très intéressant. Et il y a des gens qui font. Avec ce mélange, quoi. Il y en a d'autres qui s'y opposent radicalement et qui ont définitivement aucune influence turque dans leur musique, si ce n'est la langue éventuellement qui chante en turc, quoi. Et par contre, t'en as qui tombent dans le conservatisme absolu, quoi. Mais bon, c'est pas ceux que je fréquente. Et bon, même si tu n'es jamais allé là-bas, est-ce qu'on t'a déjà parlé? Parce que justement, tout le monde parle d'Istanbul. Je suppose que quelqu'un, un artiste d'Izmir ou d'Ankara, pourrait peut-être trouver ça un tout petit peu énervant, qu'on parle toujours d'Istanbul. Bon, allez, la Turquie, c'est quand même grand, c'est énorme. Donc, est-ce qu'il y a des différences culturelles notables, même dans les musiques entre les villes? Est-ce qu'il y a quelquefois aussi Une espèce de rivalité ou quelque chose comme ça? Non, je pense pas qu'il y ait de rivalité. Pas plus que je n'ai le sentiment qu'il y ait une différence culturelle. Mais bon, difficile de juger. Ils sont plus à l'est quand même, Oui, Ankara, Ankara, c'est ouais. clair. Izmir, c'est un peu plus en dessous, en fait. Pardon. En fait, Izmir a toujours eu des contacts avec la Grèce. Ouais. En fait, on peut y accéder par bateau, c'est assez facile. Donc l'échange n'est pas le même qu'avec Istanbul, qui est juste à côté de la Turquie, de la Bulgarie, je vais y arriver. Mais toutes les deux ont toujours eu une influence de l'Est, de... ça fait très mal, de l'Europe. Je signale que c'est moi qui ai bu, c'est lui qui est ivre. Quant à Ankara, je ne peux pas vraiment dire, mais il y a des échanges, il y a des artistes, de plus en plus d'artistes d'Istanbul qui vont jouer à Ankara, des artistes d'Izmir qui vont jouer à Istanbul par Ouais, donc exemple. Je vois qu'il y a énormément c'est plus des connexions d'échanges. quand même, Oui, quoi. le problème c'est la distance et éventuellement l'argent. Je veux dire, c'est pas la porte à côté et tout le monde n'est pas spécialement riche, même si les voyages ne coûtent pas cher là-bas. Et t'as, bah, comme je disais, t'as l'impression que ce sont des îles en fait. J'ai jamais réussi à trouver vraiment des choses entre. Ça m'est arrivé à une époque. J'étais tombé sur un label qui sortait du métal et de l'IBM en fait, en Turquie, mais ça date d'il y a au moins 10 ans. Et le type habitait dans une ville dont je me souviens pas du nom, mais c'était aucune des trois, quoi. Mais j'ai plus de contact, donc je peux pas en dire plus. On ne voit vraiment pas, enfin si quand on voit, quand on entend un groupe de musique entre guillemets occidentale, ok, mais Ankara plus à l'est bénéficie quand même du rejet, enfin du rejet de l'influence plus de l'ouest que de l'influence orientale. Justement, c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir un petit peu si, un, Istanbul a les yeux plutôt vers l'Europe de l'Ouest, et si Ankara, par exemple, a les yeux plutôt du côté Moyen-Orient, Orient. Bah, une fois de plus, j'ai vraiment du mal à te répondre. J'ai pas encore vraiment posé la question. Tout ce que je vois, c'est que à Istanbul, étant vraiment pas loin de l'Europe, il y a énormément d'artistes européens qui viennent y jouer, mais toutes les Aussi, semaines, quoi, à tous les niveaux. C'est du blues, du jazz, du punk, du rock, du noise, des trois coups, tout ce que tu veux, Et à propos, sans le arrêt. public, il suit aussi? Il y a un public pour ça ou... Ça dépend des musiques, mais oui, il y a un public qui est. Très demandeur, mais très petit tout de même. Mais plus gros que la première fois où je me suis rendu. Écoute, je me suis rendu il Il y ne veut pas a. dire que les Turcs sont des petits gros, hein. Je me suis rendu là-bas. Ça doit dater d'il y a 8 ans, je pense. Ouais. Quelque chose comme ça. Pour la première fois quand j'y ai joué. Je pense que c'était en 93. Bon, là, j'ai rencontré 25 personnes dans le club où j'ai joué. Donc, on jouait du breakcore, du noise. Les 25 personnes qui étaient là, aussi bien des filles que des garçons, étaient super enthousiastes et me disaient il faut que tu dises aux gens de venir parce qu'il y a quasi personne qui vient jouer ce genre de musique ici. Ça, c'était à l'époque, quoi. Et les gens étaient trop contents, on a échangé plein de disques. Alors que j'y suis retourné il y a 2 ou 3 ans, 2 ans, je pense, oui, non, 3 ans. Et il y a beaucoup plus de monde maintenant qui écoute ce genre de musique, c'est devenu plus commun. Et il y a des événements vraiment réguliers, ce qui n'était pas le cas avant. Avec des étrangers maintenant qui viennent Avec des plus. étrangers et des autochtones, il y a des soirées gothiques, comme je disais. Enfin, c'est gothique, IBM, Dark Wave, blablabla. Tous les mois, c'est un ami qui organise ça. Donc ça prouve qu'il y a quand même un public, aussi petit qu'il soit peut-être, mais il y a aussi un club qui s'appelle Dogstar, qui organise plein de choses. J'y ai joué une fois, mais il organise de tout, en fait. Et il y a régulièrement des événements en dubstep, en électro, par exemple. Il y a aussi des soirées gothiques dans ce club qui avaient lieu, je ne sais pas si elles ont encore lieu. Moi, je vois Istanbul comme vraiment fort tourné quand même vers, en tout cas pour ses musiques alternatives, tourné vers l'Occident. Pour Ankara, j'ai quand même l'impression que ça l'est aussi. Je pense pas qu'il y ait des événements aussi réguliers, mais parce que Ankara se tournerait vers quoi au niveau de l'alternative? Vers l'Iran où c'est interdit? Ah, c'est très alternatif. C'est clair. Ou vers. Je sais pas, il y a le Liban tout près. Ouais, mais t'es plus près en étant à Istanbul, non? T'es plus près du Liban, je pense, non? Mais en tout cas, les vols, souvent, partent d'Istanbul vers le Liban. Et il n'y a pas énormément de connexions, finalement, entre musiciens libanais et turcs. Il y en a, mais pas tant que ça, parce qu'il y a un mythe dans la tête de beaucoup de Turcs. Le Liban est riche, on organise des événements très régulièrement. Donc si on va jouer au Liban, on va gagner plein de thunes. Ce qui n'est pas le cas, les gens qui organisent la musique expérimentale au Liban sont pas millionnaires. et pas payer énormément d'argent, quoi. C'est pas l'Eldorado non plus. Donc finalement, il n'y a pas grand monde qui y va. Il y a un échange de temps en temps. Il y a un échange de temps en temps avec Israël aussi, en fait. Des Israéliens qui vont jouer en Turquie et vice-versa, vu que c'est un des seuls pays dans la région, avec la Jordanie et l'Égypte, où on peut se rendre en tant que musicien. Et encore, l'Égypte, je sais que la plupart des musiciens refusent d'aller en Israël. Et sinon, c'est quoi? Ben, c'est la Syrie qui est un bled. Et c'est tout, quoi. Donc, j'ai. Enfin, pour le moment, en musique industrielle, tu peux faire plein de Ça, field recording c'est magnifiques, hein, clair, ouais. oui. Donc, je pense qu'Ankara est quand même un peu tournée aussi vers l'Occident. Mais bon, je confirmerai ça le jour où j'irai, hein. Et quand tu vois parmi tes entre guillemets collègues artistes, est-ce que l'Occident est vraiment tourné vers la Turquie par rapport à Istanbul? Est-ce que je reviens à ce que tu as dit, ils se sentaient un petit peu isolés, ils demandaient aux gens de venir, alors qu'ils sont tout prêts. On dit toujours oui, c'est la porte entre l'Europe et l'Orient, mais est-ce qu'il y en a qui vont vraiment beaucoup dans cette porte? Est-ce qu'ils ont l'idée de se dire je fais une tournée donc je vais à Istanbul? Ou est-ce que c'est plus dur? Beaucoup, non, mais depuis quelques années, cela change. Il y a des groupes. Je ne sais. Je me demande si Laibach est pas déjà venu jouer à Istanbul. Je suis presque sûr. Et d'autres groupes dans le genre. Il y a le Reverend Beatman, le musicien basé en Suisse, qui a déjà joué là plusieurs fois, par exemple. C'est une autre scène, mais qui est quand même relativement alternative, quoi. Il y a beaucoup de groupes de metal, de punk. En fait, en punk, c'est toujours un réseau très particulier. Il y a toujours des groupes punk qui vont jouer dans un certain tas de pays. Et pour la musique électronique, bon, c'est pas commun. Je n'ai jamais vraiment vu de groupes occidentaux IBM jouer là-bas en Turquie. Pourtant, il y a une demande. Mais par contre, en musique expérimentale, en noise, bien sûr. Mais là, il y a moins. Enfin, je veux dire, il y a moins de frontières, quoi. Tout le Et monde voilà, peut. Mudspa a déjà joué là-bas, par exemple. Paul Devens, un musicien expérimental des Pays-Bas, a organisé des échanges entre Istanbul et Maastricht. Donc des musiciens de musique expérimentale qui venaient jouer aux Pays-Bas, et vice-versa. D'autres musiciens qui venaient jouer à Istanbul. Il y a eu un festival. Il y a un festival chaque année qui s'appelle Spectropen Festival, dans lequel pas mal de personnes assez importantes de la scène industrielle et noise ont joué, dont Stephen Stapleton, si je ne m'abuse. Donc oui, il y a de plus en plus de gens qui se disent qu'on peut se permettre d'y aller, d'autant que ça coûte vraiment plus cher et qu'au niveau douane, ça ne pose pas de problème, on n'a pas besoin de visa, rien, enfin, un pseudo-visa à payer, mais c'est un truc ridicule à la frontière. Il me semblait que psychologiquement, on pensait Europe de l'Est, ok, Tchéquie, ok, il n'y a pas de problème, mais Istanbul, c'est peut-être plus derrière la tête, enfin, plus en second, troisième choix par rapport au reste, quoi. Oh, probablement, pour Ouais. beaucoup de gens, j'en suis sûr, mais ça dépend aussi où ces gens habitent. Je sais que les gens qui habitent en Bulgarie ont toujours eu l'habitude Ouais, ça, c'est clair. de pouvoir Ouais. débarquer à Istanbul et jouer, ou de voir des musiciens istanbouliotes jouer, parce que c'est juste la porte à côté, et eux savaient vraiment ce qui se passait. Il y a toujours eu un échange entre les deux pays, même à l'époque communiste, quoi. Mais c'est vrai pour d'autres personnes, oui, ça paraît pas évident, parce qu'une fois de plus, c'est le Moyen-Orient, on s'imagine pas que ça existe. Mais je pense que l'image est tout de même en train de changer. Parce qu'il se passe, au niveau culturel, il y a beaucoup d'échanges avec l'Occident aussi, avec la Biennale par exemple. Et là, tu peux aussi voir des installations vidéo avec musique électronique par exemple. Et même d'Iran, j'avais vu des installations, enfin des courts-métrages iraniens avec des courts-métrages expérimentaux avec de la musique électronique. Et là, justement, à ce moment-là, on voit vraiment une croisée, même avec l'Iran, à ce moment-là. Il y a évidemment toujours des échanges culturels avec l'Iran Il y a et la beaucoup de Turquie. réfugiés iraniens en Turquie? Je ne sais pas du tout te Ah, répondre. Ça serait pas bah surprenant, non, ouais. mais. Je me disais justement que la culture iranienne qui ne sait pas se développer, on va dire, enfin la culture, la musique, les musiciens iraniens qui ne savent pas se développer fortement en Iran, auraient peut-être une influence justement à dire, ben voilà, hop, on l'a fait là parce qu'on ne sait pas le faire ailleurs. Mais je ne sais pas, parce qu'en fait, l'Iran est un pays, quand tu es dans une grande ville, qui est technologiquement relativement avancée Ouais. et qui est beaucoup plus moderne que la Turquie au Ouais. final. Ben, si je prends la Turquie dans l'ensemble. Donc les Iraniens ont plutôt tendance à déménager en Australie, au Canada ou en Europe Tant qu'à de faire, l'Ouest, ouais. quoi. Cependant, il y a quand même des gens de la région qui ont déménagé. Il y avait un groupe de métal irakien, par exemple, qui avait émigré, enfin émigré, qui s'est Barré. barré d'Irak et Ouais. qui vit toujours en Turquie, par exemple, parce que pour eux, là, c'est un paradis à Ah, c'est clair, comparer. quoi. Ouais. Et à propos de répression, on parlait de festivals, de manifestations, de concerts. Est-ce qu'il y a des problèmes et avec qui? Est-ce que c'est avec les autorités ou avec des malades religieux? Enfin, des religieux, quoi. Auparavant, c'était toujours les autorités, Ouais. à l'époque des dictatures. Maintenant, pour ce genre de musique, moi, je n'ai jamais rien vu, rien entendu sur le sujet. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment de problème par rapport à ça. C'est quand même relativement ouvert. J'ai l'impression qu'ils veulent aussi pratiquer l'ouverture, parce qu'ils veulent se rapprocher aussi de cette culture. Oui, il y a de ça. Bon, je suppose que si un groupe punk commence à défendre l'indépendance du Kurdistan, il aura des problèmes, ça c'est évident. Mais en dehors de ça, non, on n'a jamais. On peut dire qu'il y a une espèce de censure, mais qui est vraiment autre qu'étatique. C'est que, une fois de plus, surtout la première fois où je m'y suis rendu, ça a changé entre-temps, c'est qu'un tas de clubs ne voulaient pas booker ce genre d'artiste. Pour la simple et bonne raison que ça ramenait pas du monde. La véritable raison, c'était ça. Et je me souviens que la première fois que j'ai joué là-bas, on s'est fait jeter du club, en fait, quoi. Par le propriétaire. Ils ont tous foutu à la porte. Et c'était un bon truc pour pas nous payer, au final, parce qu'il y a des gens qui étaient venus, en fait. Mais ce dont je suis content, c'est que tout le public est parti. Les 25 personnes qui étaient là sont toutes parties. Et donc il s'est retrouvé seul dans son club vide avec son DJ. Mais c'est la seule censure que j'ai vue. En Istanbul, et ça, c'est un problème pas, enfin, qui est récurrent dans d'autres pays, quoi. S'ils ramènent pas assez de monde, alors on risque pas. Alors que quand j'y suis retourné et que j'ai joué dans ce club-là, Dockstar, par exemple, même si parfois il y a peu de monde pour certains événements, ils continuent à booker de tout en musique alternative. Donc c'est quelqu'un qui persévère, c'est chouette. Mais non, sinon, ça n'a rien à voir avec, par exemple, dans les années. 70, Ilan Mimaroglu a voulu monter un studio d'enregistrement de musique électroacoustique, musique électronique à Istanbul. Et donc, comme il avait étudié aux États-Unis, il est revenu au pays en faisant livrer du matériel, table de mixage, enregistreur, bande magnétique, oscillateur, etc. C'est resté coincé pendant 2 ans à la frontière. Et donc, il a pris ses clics et ses claques et est rentré aux États-Unis et n'a jamais monté le studio. Et le premier studio officiel pour faire pour composer de la musique électroacoustique a été ouvert en 1999 en Turquie. Alors que, à côté de ça, le premier studio dans la région a été ouvert en. Enfin, la Dans la première région. tentative, c'était en 59 à Jérusalem, quoi. Par exemple. Et le premier véritable studio, c'était au tout début des années 60, aussi à Jérusalem. Donc, par rapport à ça, à cause de la dictature, ils ont quand même accusé un fameux retard par rapport à la musique académique, en tout cas. Mais par rapport à la musique alternative, ils n'ont pas vraiment pu retarder énormément de choses. Ouverture de l'extérieur vers l'intérieur, mais quand tu es un artiste turc, est-ce que tu arrives vraiment à te faire booker ailleurs? Est-ce qu'il y a un éclairage quand même sur cette scène? Est-ce que tu arrives à te faire signer facilement dans tous les styles de musique, hein, je veux dire, ou est-ce qu'ils sont confinés à leur pays? Non, il y en a. Bon, ça reste une minorité, mais justement, je parlais de 5BZ. Lui, il a un label en Turquie sur lequel il produit ses propres vinyles. Quand tu dis 2-5 BZ pour faire plaisir aux Français, c'est pas 2-5 BZ ou... Oui, c'est 2-5BZ, mais c'est probablement même autre chose en turc, mais je ne sais pas comment on dit. Puis on dit UB40 les gars aussi. Non, lui, en fait. Il joue très souvent en Europe, notamment en Allemagne, il est souvent en tournée, et c'est pas le seul musicien en réalité. Ils sont pas mal, en tout cas des musiciens de la scène expérimentale turque. Il y en a pas mal qui viennent jouer ici en Europe, et des musiciens punk aussi. Et même pour d'autres scènes, j'ai vu des groupes un peu plus dans la veine. C'est difficile à décrire, quoi. Electronic rock, un peu. C'est difficile Ça. à dire aussi d'ailleurs. Oui, enfin, un mélange électronique de rock, de goth et d'un tas d'influences qui ont déjà joué ailleurs, en Finlande par exemple. Non, je pense pas que ça soit tellement un problème. Même pour un Turc de rentrer en visa, c'est pas les mêmes conditions qu'un musicien chinois ou libanais par Non, c'est même exemple, pas pour quoi. la loi, hein. C'est pour vraiment que des gens, des labels, se disent, ah ben c'est vrai, en Turquie, il y a des trucs. Oui, mais en fait, il y a même des groupes plus ou moins connus, turcs. Oh là là. Écoute, il y en a un, je crois que c'est Enclose. Je crois que j'ai oublié de le lister. Si je ne m'abuse, c'est un groupe turc qui est signé sur un label assez important. De quel style? Une espèce de groupe de trip-hop en fait, mais du trip-hop vraiment intéressant. S'ils font encore de la musique, hein, j'avais découvert ça il y a très longtemps. J'avais acheté un CD et j'avais chopé d'autres choses en minimal wave par exemple, en électro. J'étais tombé sur des groupes turcs signés sur des labels Pays-Bas notamment en fait. J'avais chopé comme ça un groupe turc qui était signé sur un label de musique électro, alternative quoi. C'est toujours un peu surprenant, je dirais, parce que c'est pas commun, mais c'est pas impossible. Y en a de plus en plus, et certainement plus que des musiciens d'Afrique du Nord, par exemple, quoi. Tu crois pas qu'ils sont à la longue avec toute la, enfin, tous les amalgames qu'on puisse faire sous le coup de c'est les Turcs, c'est la musique de Turc pour les Turcs, tu vois, comme on voit le raï avec le Ouais. Maghreb, etc. Et que ces artistes qui ne font pas la musique vraiment turque, mais leur musique à eux, sont victimes aussi de ça et que les gens se disent pas, bah, en Turquie, il y a autre chose, quoi. Enfin, je me dis, et contrairement à d'autres pays dont on a parlé, c'est super proche, c'est vraiment super proche, et dans nos mentalités, c'est encore à des milliers d'années-lumière, on dirait. Donc, à part pour aller instaurer la pilule, évidemment, mais. Bien sûr, il y a toujours ce cliché qui revient en tête, qui n'est pas entièrement faux, mais il n'y a même pas besoin d'aller si loin. En fait, on remarque que moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus ou moins de musiciens turcs qui soient signés sur des labels plus ou moins importants que de musiciens serbes ou lettons, par exemple. Tout ce qu'on voit ici, ce sont des... En tout cas, quand on est situé ici, en Europe de l'Ouest, ce sont des groupes allemands, français, américains, anglais. Mais dans certaines musiques, on s'oriente plus vers, surtout les vieux groupes de l'ex-Yougoslavie, etc., en se disant en allemand, en Europe de l'Est, un peu comme dans Ouais, l'industriel pour ou. certains genres, oui, il y a l'ex-Yougoslavie, la Russie par exemple, ou par rapport au punk, il y a même plein d'autres pays comme la Pologne par exemple. Mais on s'est rarement dit, ah, la Turquie, je suis allé voir ce qu'il y a, tu vois, c'est Non, mais ça. les gens ne se rendent pas compte parce que on a un passé fort différent. Et les gens ont du mal à réaliser souvent que bah, c'est aussi moderne qu'ici et que. Ce sont des gens qui ont énormément d'influence de l'Occident, point à la ligne, et donc c'est possible là-bas. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance à croire qu'en dehors des frontières de l'Europe, ce genre de musique n'existe pas ou peu. Je pense que ça doit être en partie lié à notre éducation, quoi, ou à ce qu'on voit bêtement en histoire à l'école. Je veux dire, on ne montre pas toujours ce qu'il faut nous montrer, quoi. Et donc, on a des clichés comme ça en tête, on peut pas. Bah, moi-même, hein, j'ai été le premier surpris quand j'ai lu que en 84, il y avait des types qui faisaient de la musique industrielle et qui écoutaient Cabaret Voltaire en Turquie, quoi. J'imaginais ça très bien plus tard, mais pas à l'époque, donc. Enfin, par exemple, par rapport à des anciens numéros qu'on avait fait, bon, on a parlé de l'Indonésie, je peux comprendre que d'ici, on ne connaisse pas tous les groupes de l'Indonésie, c'est quand même de l'autre côté de la planète, mais voilà quoi, c'est quand même assez incroyable que ce pays qui est super long, super proche géographiquement. Comme s'il y avait un gros trou noir culturel par rapport à celui-là quand on est en Europe, quoi. Oui, bah peut-être aussi parce que c'est pas, c'était, ça change, mais c'était plus une grosse puissance, la Turquie. C'est la même chose avec l'Europe de l'Est. Un tas de gens connaissent des groupes du RSS et de Russie, mais va-t-on leur demander s'ils connaissent la scène en Estonie, par exemple, ou mauvais exemple en Moldavie. Ouais, mais bon, la Turquie, c'est peut-être un petit peu plus gros quand Non, même. non, non, bien sûr, mais même en Ukraine, quoi. Il y a plein de gens, ok, qui diront, on connaît quelques groupes électroniques en Ukraine, mais point à la ligne, qui connaîtront absolument rien d'autre. Je pense qu'il y a vraiment une grosse barrière par rapport à tout ce qui s'est passé avant avec le bloc de l'Est, à l'exception de l'URSS qui a toujours été un poids et qui est maintenant toujours un poids, bon, sous une autre forme, la Russie. Et la Turquie, c'était pas le cas du tout, en fait. Là, maintenant, elle devient une espèce de pays médiateur entre les pays du Moyen-Orient, le Moyen-Orient et l'Occident. Ça devient une puissance économique assez importante. Donc, les choses changent. Donc, elle va commencer à imposer de nouvelles choses, je suppose. Mais avant, même si c'est un pays qui s'est pas fait coloniser comme d'autres, c'est pas un pays qui a influencé la musique ici. Je veux dire, les musiques alternatives. À part peut-être la musique psychédélique, et encore, la musique psychédélique était surtout. C'était plutôt elle qui influençait des musiques en Turquie, quoi. Maintenant, ça va peut-être être un autre rapport, quoi. Pas seulement avec la Turquie, il y a un tas d'autres pays non occidentaux qui commencent à avoir assez de poids que pour imposer des choses ici. Mais ici, on a toujours été les colonisateurs, enfin, toujours, depuis le Moyen-Âge, on va dire. On était colonisateurs culturels, quand même, un peu partout. Et je pense que ça change, mais enfin, moi c'est l'explication que je vois quoi. Je vois pas autre chose. Et une des dernières questions, est-ce qu'il y a des influences ou des échanges entre Grèce et Turquie à ce niveau-là? Donc, musique, art, etc. Ou... Oui, mais C'est toujours un peu tendu comme un slip là-bas, donc... Ouais, mais par rapport aux musiciens, je pense que la plupart s'en foutent. Je vois des musiciens turcs qui viennent jouer en Grèce et vice-versa. Parce que la Grèce, c'est aussi un pays qui est assez intéressant géographiquement. Parce qu'eux ont toujours eu des communications et des influences des pays d'Europe de l'Est communiste, de l'Europe de l'Ouest, puisque c'est un pays à l'Est, mais qu'on a toujours considéré comme étant un pays de l'Ouest. Et puis la Turquie, entre autres, Chypre et même Israël à une époque. Maintenant, c'est plus le même rapport. Mais avant, on pouvait se rendre en bateau à partir de la Grèce. Je pense pas qu'on puisse encore le faire, ou le Liban. Du coup, en quelques minutes, tu peux être en Grèce. Ça dépend où tu vis en Turquie et où tu vis en Grèce. Et du coup, il y a toujours des musiciens qui sont venus. Ça revenait pas si cher de. Ah, tu parles d'Izmir, par exemple. Oui, ben voilà, c'est pas loin. Au final, ça venait pas trop cher de se déplacer jusqu'en Grèce ou jusqu'en Bulgarie. Bulgarie, c'était juste en bus. Et en Grèce aussi, finalement. Bon, à l'époque communiste, c'était plus compliqué parce qu'il fallait toutes les histoires de visa, mais. Mais encore maintenant, si tu prends un bus, tu peux débarquer en Bulgarie et puis continuer vers la Grèce. Donc il y a quand même des échanges qui se font. Ouais. Bien, super Cédric, à la prochaine. À bientôt, oui. Salut.